Un Les cloches ont rouillé sous la pluie noire. Les saints se sont pendus dans le dernier couloir. Me suis mis lavé dans l'eau d'un puits sec, à genoux sur des cendres. Je priais en mec. Les chiens ne prient plus dans ce monastère en ruine. Le ciel s'effrit, il reste que clarouille divine. J'ai gravé mon nom sur des planches moisies et les anges m'ont ri dessus, ivre et pire. Sous le poids des mensonges, il y avait plus Dieu que des gongs et des sons. Le feu m'a baisé sans me laisser de marque, mais le souffle des morts m'a rendu bas. J'ai pissé sur l'autel, le regard vers l'ouest. Un corbeau m'a dit, j'étais le dernier prêtre honnête. Les vitraux sont tombés comme des vérités. Et j'ai dansé nu au fond de la cité. Le vin est devenu poison dans ma bouche, mais je bois encore, je suis pas une souche. Le tambour frappe au rythme mais faux, et les sœurs chantent. Keep on walking, keep on praying, keep on walking, keep on praying. J'ai prêché l'amour avec des barouillés, offert la paix en marchant sur des clous cloués. Mais je suis qu'un prophète à la dérive, un radeau de chair dans une mer maladie. Ils ont gravé des psaumes sur les murs du bunker, mais y'avait plus d'encre que du sang et du bon cœur. Les gosses chantent faux, mais c'est tout ce qu'on a. Un gospel de roue que se fredonne sous la cave. From our tower and roof, gospel arms and percussion. Dans les larmes de la nuit, une lampe cassée qui brillait sans bruit. Et peut-être que c'est ça, dernier sermon, juste un râle dans un vieux canon. Frappez vos mains, mais pas pour prier. Dansez sur les sangs, pas pour oublier. Y'a plus de saints que des types comme moi. Et la voix qui s'élève, c'est juste ma voix. Terre brisée, notre route.